cours numéro 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير اسمين من أسماء الله عز وجل، اسم العظيم واسم العفو. من يحفظ دليلا على اسم العظيم؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. واسم العفو من يذكر دليلا؟ تفضل. قوله تعالى ان الله لعفو غفور. ان الله لعفو غفور. نعم. قال رحمه الله العلي، فمن اسماء الله عز وجل اسم العلي وهو العلي العظيم. وتقدم معنا تفسير هذا الاسم من كلام الشيخ سعدي رحمه الله مع اسم الله عز وجل الأعلى. Au début du livre, on avait lu l'explication de ce nom Al-Ali avec un autre nom d'Allah عز وجل qui a le même sens, الأعلى. فالله سبحانه وتعالى متصف بالعلو، c'est من الصفات الذاتية. وهذا والله الحمد، on l'a vu ensemble au début du livre. ثم قال العليم، وهذا كذلك تقدم معنا في بداية الكتاب مع اسم الله عز وجل الخبير. فالله سبحانه وتعالى العليم، يعلم كل شيء سبحانه. ثم قال الغفار الغفور، وهذا كذلك تقدم معنا شيئا من معاني هذا الاسم الغفار وكذلك الغفور dans le درس précédent. فالشيخ رحمه الله il a cité العفو الغفور الغفار et il les a expliqués ensemble. هذا في تفسيره. أما اليوم ف celui qui a regroupé les paroles de Cheikh Sa'di rahimahullah, il a cité un autre kalam min kitab al-Cheikh al-Haq al-Wadih al-Mubin, et il a cité un autre kalam sur l'explication de ces deux noms al-Ghaffar et al-Ghafour. قال الشيخ رحمه الله تعالى الغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب على كل من يتوب. قال ففي الحديث إن الله يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث تقدم معنا. وقال في الحاشية صححه هو الإمام الألباني كما في الصحيحة. الحديث اللي في مسند الإمام أحمد وفي غيره. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يقول يا ابن آدم إلى آخره، فالشاهد قول الله عز وجل لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، سي الغفور سي الغفار، وكذلك يتوب على من تاب، سي التواب جل وعلا. الغفور c'est celui qui pardonne. والشيخ ابن عثيمين له كلام جميل sur أصل هذه الكلمة في لغة العرب. قال رحمه الله في شرح النونية الغفور هذا اسم من أسماء الله كذلك الغفار. ces deux noms ça montre Al-Kathra. Al-Ghafour ala wazn fa'oul et Al-Ghaffar ala wazn fa'al. Qala hadha ismun min asma'illah wa huwa s-satiru lil-dhanb al-mutajawizu anhu فتستفيد دو معنى، معنى الستر ومعنى التجاوز. نضع اكسبليكي قليلا إن شاء الله. قال لأن الغفور مشتق من المغفر. الغفور، vous avez remarqué que c'est le même asl que ce deuxième ism, المغفر, ce deuxième lafd. فالغين وفاء والراء غفر. C'est un asl en langue arabe qui démontre plusieurs choses. C'est pour ça qu'ils appellent al-mighfar, mighfar. Et c'est pour ça que, si tu as compris hada, tu vas comprendre ma'na al-ghufran, ou al-ghafour, ou al-ghaffar, ou al-maghfira, tous ces noms. Qala, rahimahullah, wa al-mighfar, ma yudha ala al-ra's, ittiqa al-siham. Al-mighfar, en langue arabe, c'est ma yudha ala al-ra's. Aïe. Pendant les guerres, à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont des protections pour la tête. C'est le casque que, à l'époque, ils portaient avec leur armure pour se protéger des flèches de l'ennemi. En arabe, ça s'appelle al-mighfar. Qala, wa idha wudi'a ala ar-ra's hasala fihi fa'idatan. Et pourquoi ils portaient ce genre de casque pour deux choses. Qala al-awwal as-satr. As-satr, c'est pour se protéger. Al-thani ou as-satr, c'est plutôt c'est se cacher. As-sitar, c'est quelque chose qui couvre, c'est pour couvrir la tête plutôt. Wa al-thani al-wiqayatu min as-siham. Hada, c'est pour se protéger contre les flèches. Si tu as compris hada al-ma'na fi al-lugha, tu pourras faire le lien entre hada at-ta'rif, cette définition en langue arabe, et le sens de al-ghufran ou al-ghafour ou al-ghaffar. Al-ghafour et al-ghaffar, c'est des noms d'Allah azza wa jalla. Qala fa huwa azza wa jalla ghafourun yaghfiru adh-dhanb satran wa afwan. Et avec hada al-ma'na, tu vas comprendre le lien avec al-'afw. Lian Allah subhanahu wa ta'ala ya'fu 'an adh-dhanb. هذا سمعنا التجاوز التجاوز أي ولو الإنسان يفعل بشيء فربما الله سبحانه وتعالى إنه لا شتي با أكوز دو سو بشيء يتجاوز عنه. هذا المعنى واضح. Ce sens أظن il est clair. هنا un deuxième sens. قال يغفر الذنب سترا أي يستر العبد. Si ce عبد يستر نفسه. Et من هنا on comprend l'importance de ne pas dévoiler ses péchés en public. Khassatan quand il n'y a aucune haja, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun profit, il n'y a aucune faïda. Khassatan encore plus grave à la wajh al-tabadduh. Wa ayyadan billah al-riya pour se montrer, il a agré, là c'est très très grave. Fallah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhamb sitran wa afwan. Celui qui yastur nafsa, il ne dévoile pas ses péchés en public, Allah subhanahu wa ta'ala yasturuh. Et ça, c'est une ma'ani al-ghufran. Hatta ja'a fi al-hadith anna yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui n'ont pas dévoilé leurs péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur cachera leurs péchés. Hatta ya'tarif al-abd. Comme a dit fi al-hadith, est-ce que t'as fait kada, est-ce que t'as fait kada, et l'abd dira na'am ya rab, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonnera. أسترها لك اليوم كما سترتها لك في الدنيا أو كما قال في الحديث. أي كم الله سبحانه وتعالى dira كم il a préservé هذا العبد في الدنيا أو il ne l'a pas dévoilé, personne savait ce péché. فهكذا يوم القيامة personne ne connaîtra ce péché sauf Allah سبحانه وتعالى et il lui pardonnera. Ça c'est من معاني الغفران. Donc deux choses, الستر وكذلك العفو أي التجاوز. Et baqi al-kalam, on le lira après kalam al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Enfin, on répète l'un kalam al-Sheikh Sa'di, ça sera plus clair. Qala al-ghafour, alladhi lam yazal yaghfiru al-dhunub, wa yatoub ala kulli man yatoub. Yaghfiru al-dhunub, donc yatajawaz an il-abd. Yatajawaz an il-abd. Et il lui pardonne, et kadhalik yasturu al-abd. Falihada l'insan yastur nafsahu yatoub ilallah, wa yashkur hadhi al-ni'ma. Et ne pas comprendre min hada, na l'insan, s'il est tout seul, personne ne le voit, il peut faire les péchés. Iyadan billah. Là. Lakin idha dha'afa al-insan et hasala minhu shay fa yatub. Et min shurut at-tawba, c'est de regretter de ne plus faire le péché. Falihada qala al-ghafour alladhi lam yazal yaghfiru adh-dhunub wa yatub. Et l'insan, il a waqa'a minhu shayfa, il fait tawba. Et min niyati, son intention, c'est de ne plus refaire. Et kama taqaddam ma'ana, idha dha'afa, si ce abdi faibli et refait ce péché, fa yatub marratan ukhra. Et c'est pas le shaitan lui faire croire annahu, sa tawba n'est plus acceptée, li annahu, il l'a fait plusieurs fois. Là, lakin, quand tu fais tawba, sois sincère, et ton but, c'est de ne plus refaire. Et si tu faiblis, fa refait tawba. Et al-sadiq al-mukhlis, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, bi idnihi azza wa jali, il lui exauce, et la'allahu, هذا العبد s'écartera de هذا الدمب. قال ففي الحديث إن الله يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها المغفرة. وقال تعالى إن ربك واسع المغفرة. فمغفرة الله سبحانه وتعالى واسعة. وتقدم معنا كثيرا هنا beaucoup cité ensemble dans ce livre que ce soit اسم الرحمن الرحيم التواب الكريم العفو etc. أن هذا من البشرى pour العبد المؤمن أن الله il est واسع المغفرة. فne pense pas que tes péchés c'est trop. Là, si t'as fait des péchés, توب إلى الله, sois sincère. Et n'ai aucun doute en Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tout. Hatta al-kufr, celui qui demande pardon et qui fait tawba, ani al-kufr, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. قال رحمه الله وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة. Et ça c'est ثمرة هذا الاسم وكذلك الذي قبله. فالعفو والمغفرة لها أسباب. Ces choses, هذه الأوصاف العظيمة, il y a des causes. فالله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء. العبد doit faire des causes. Et c'est ça le fruit de هذا العلم. Celui qui a conviction, il a la conviction, il est sûr que Allah c'est l'afou, c'est le ghafour, c'est le ghafar, c'est le tawwab, il a akhir. Enfin, ça doit le pousser à rechercher هذه المغفرة. لماذا؟ لأنهم في tous des péchés. إن الله يقول يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. On fait tous des fautes. بين مقل ومكثر أو مستقل أو مستكثر. Ça dépend de l'iman du abd. على كل حال الإنسان il fait des fautes. لكن faire les causes pour qu'Allah il nous pardonne, c'est muhim, c'est le fruit de le dars d'aujourd'hui. قال وقد فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى عباد الله والعفو عنهم وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله وغير ذلك مما جعله مقربا لمغفرته. هذه بعض الأسباب الشيخ سعدي رحمة الله عليه إلى الستة من الأسباب التوبة دفاق التوبة والتوبة لها شروط et parmi les principales conditions c'est la sincérité. الإنسان يتوب لماذا؟ لأنه يريد il espère رضا الله l'agrément d'Allah عز وجل il regrette. Ça c'est من الشروط كذلك. Et كذلك عند توبته فهو عازم أي son intention c'est de ne plus faire ce péché. كذلك من الشروط c'est si الذنب il est lié à un abd fa il répare son erreur et il rend cette chose à ce abd si c'est une chose qui lui a prise wa hakada. Fa tawba sha'nuha il est azim. Et inshallah ta'ala ça sera notre étude prochainement fi sharh riyad as-salihin kitab aw bab at-tawba. Après Tuhfat al-Ikhwan, بإذن الله عز وجل, on commencera la lecture de التوبة, باب التوبة. قال والاستغفار. وهذا واضح أن الاستغفار من أسباب المغفرة، أن الإنسان يكثر من الاستغفار. قال والإيمان، الاستغفار donc demander pardon. والإيمان، وهذا تقدم معنا في الدرس précédent، أن الإيمان من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. Car si tu prends l'exemple de Al-Kafir, Al-Ashakan, il a beaucoup de dhunoub. Si il croit, إذا آمن, فالله سبحانه وتعالى il lui pardonne tout. Bien sûr, هذا الإيمان il est lié à ما تقدم التوبة. إذا تاب هذا العبد, sa التوبة, ça montre qu'il a l'Iman. فالله سبحانه وتعالى il lui pardonne. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قوله عز وجل إن ينتهوا أي إن ينتهوا من الكفر أي يؤمنوا أي سي إدلس الكفر سامبليك دو كروغ الإيمان فالله سبحانه وتعالى يغفر لهم ما قد سلف. الله يلوغ باردون تو. فالإيمان من أعظم أسباب المغفرة. قال والعمل الصالح إن الحسنات يذهبن السيئات. فالعمل الصالح كذلك سبب عظيم في غفران الذنوب وفي رفع الدرجات. فلهذا الإنسان يكثر من الأعمال. تأمل هنا أن العمل قيد بالعمل الصالح. يعني نادجا سيتي هذا كثيرا أن العمل يفوكس والصالح هي العمل الخالص لوجه الله. Et كذلك en suivant la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. والإحسان إلى عباد الله. نعم. الجزاء من جنس العمل. من ستر مؤمنا في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وتقدم معنا أن الستر من معاني الغفران. الغفران هنا دي التجاوز عن الذنب أي العفو. وكذلك الستر أي ستر الذنب. فقوله عليه الصلاة والسلام من ستر مؤمنا ستره الله. الله سبحانه وتعالى سي il cache le péché de ce abd yawm al-qiyamah, c'est qu'il lui a pardonné. Fal-ihsan ila ibadillah, c'est un sabab azim. Un sabab azim pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Qal wal-afu anhum, hada taqaddam dans le dars précédent. Wa quwwati at-tam' fi fadlillah. Hada c'est muhim pour fermer bab al-ya's wa al-qunut. Fermer cette porte que le shaitan essaie d'ouvrir kathiran. Le fait de désespérer. بعض الناس ils ont des doutes. On répète كأنهم ce qu'ils ont fait c'est trop. بل بعضهم يصرح. فإذا نصح أنه يترك كذا ويقوم بفعل كذا. مثلا de délaisser les péchés, de faire salat, de s'accrocher au din, de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام, d'apprendre son din, d'apprendre le tawhid إلى آخره. فبعضهم يصرح أنهم ils ont été trop loin. وهذا مع أنه سيدو الجهل كذلك سيدو السوء الظن بالله عز وجل لأن السلبي كي كنا سنو الغفار والغفور فكيف الإنسان يبنس كو سي بشي سي تخو سي اون بوز دو كيستيون أ هذا الإنسان إسك الله إلي كابابل لا شك الله إلي كابابل دو تو. كذلك الحديث الذي تقدم ذكره لأتيتك بقرابها مغفرة. اتأمل الوصف الذنوب نص الحديث. قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. هذا مثال عظيم أن ستة خما يوم القيامة إلى توس الذنوب أي مسجلة عنده لكن إلى في التوبة أو إلى demander pardon أو إذا شاء الله سبحانه وتعالى يلي بعدن بيان سور بغير الكافر والمشرك في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ça ça montre que c'est يوم القيامة. et ça ça nous montre أن الإيمان والتوحيد من أعظم أسباب المغفرة. لأن هذا العبد qui rencontrera الله سبحانه وتعالى avec tous ses péchés l'équivalent de la terre. l'équivalent de la terre. et تعلمون la terre elle est واسعة جدا طولا وعرضا. هذا لو سيل في tous ses péchés l'équivalent de la terre et il est mort à la tawhid فالله سبحانه وتعالى قال لأتيتك بقرابها مغفرة. دونك ça nous montre أن الإيمان من أعظم أسباب المغفرة. Et ça nous montre كذلك حسن الظن بالله. Et كذلك حديث الرجل الذي قتل 99 شخصا 99 بل كمل كمل المئة كما جاء في الحديث أنه il a tué 100 personnes. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. 100 personnes, c'est énorme. C'est un dhanb azim, jarima. مع هذا الله سبحانه وتعالى lui a pardonné. لماذا لأن ذلك الرجل il a fait les causes. Et parmi les causes qu'il a fait, comme a dit dans le hadith, أنه سأل هل لي من توبة. Il cherchait à faire توبة. Ça montre qu'il a fait les causes. Il voulait faire توبة et il a fait توبة. Et il a écouté النصيحة. Il s'est déplacé pour quitter son peuple. لأنهم c'est un peuple de مجرمين. Il faisait beaucoup de mal et il était touché par ce mal et il faisait lui-même du mal. Quand il s'est déplacé, ça montre أنه في الحقيقة هذا الرجل il a fait ses causes. Il a fait توبة. La preuve, il a demandé au savant et le savant il lui a dit نعم, tu peux faire توبة et tu te déplaces. Donc il a fait توبة. والاستغفار. S'il a fait توبة, c'est que من باب أولى il a fait الاستغفار. الإيمان. Il croyait, c'est un croyant. لهذا il a demandé à faire توبة. العمل الصالح. Il s'est déplacé. Il s'est déplacé quand il a demandé et العالم il lui a dit faut que tu te déplaces. Il s'est déplacé et il est mort في الطريق. Ça c'est un عمل عظيم. هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. Il a fait الهجرة. Il a délaissé une mauvaise terre pour aller dans une terre meilleure. والإحسان إلى عباد الله إلى آخره. فلا شك أن هذه الأسباب سيدي أسباب عظيمة. قال رحمه الله وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله. Ça va avec le point précédent. الطمع c'est espérer et حسن الظن بالله c'est ne pas avoir des mauvaises pensées عياذا بالله. أن الله ما يغفرني أو لا يغفرني أو سيترو كما تقدم. لا لا الله سبحانه وتعالى يغفر tout خاصة celui qui fait توبة avant de mourir. من تاب الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. Enfin attention, الشيطان fait tout pour écarter العباد de التوبة. لماذا؟ لأن هو il a pas fait توبة et il fera jamais التوبة. حكم عليه بالضلال وبالنار. Et il fait tout pour égarer l'Ibad. Et il fera tout pour égarer l'Ibad. Et parmi les causes, ou les moyens qu'il utilise, c'est هذا. De faire croire au Abd أنه, il ne peut pas faire Tawbah. Là, fais Tawbah, Akhil Karim. En faisant Tawbah, tu es gagnant. Tu ne seras jamais perdant. Fais Tawbah. Tu faiblis, refais Tawbah. وهكذا الإنسان il est vie, jihad. C'est un jihad عظيم. Tu fais tawbah. Thumma, si tu refais un péché, tu refais tawbah. Wa husnu dhan billah. Et tu essayes de repousser. Tu fais des efforts. Hatta tamut. Si tu as l'habitude, hakada, bi'idnillah azawajal, tu mourras ala khayr. Qala rahimahullah wa ghayri dhalik mimma ja'alahu allahu muqarriban li maghfiratihi. Na'am. Et des autres causes li al-maghfira. Qala Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi. On finit son kalam min al-nouniyya. Il a cité le hadith que Cheikh Saadi l'a cité. قال قوله أي قول الإمام ابن القيم لو أتى بقرابها أي قراب الأرض أي ما يقارب ملأها من العصيان لكن بدون شرك بهذا الشرط كما في الحديث لا تشرك بشيء. Ça, ça nous montre فضل التوحيد et أن التوحيد والإيمان c'est parmi les plus grandes causes pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne au Abd. Mais celui qui meurt avec هذا الشرك عياذا بالله الأكبر Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera pas. قال فإن الله تعالى يغفره لقوله تعالى في الحديث القدسي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة وهذا الاسم العظيم أي الغفور وكذلك الغفار المتضمن لهذا المعنى الجليل ينبغي للإنسان أن يعلق به قلبه. أساس النصيحة ثمينة. ينبغي للإنسان أن يعلق به قلبه أي بهذا الاسم. نبلي جميع أن الله سبحانه وتعالى سي الغفور سي الغفار. Ça va t'aider dans beaucoup de choses. Et parmi les choses dont tu vas profiter en te rappelant souvent de Hadal Ism et en lisant le Coran, Hadal Ism, il est souvent répété. Ou Al-Wasf Kadalik, Allah Yaghfir Ad-Dhunub, etc. Fabi'idnillah Azzawajal, tu ne vas jamais désespérer. Bel, ça va te motiver. Kadalik, ça va te pousser à aimer Allah Akthar. Ou Husnuddhan. Et Kadalik, ça va te permettre d'avoir de la douceur envers les autres. Rubbama, Hadal Insan, qui a des faiblesses, Rubbama Allah Subhanahu wa Ta'ala lui pardonnera. Quand on montre, c'est pas pour nous. On défend pas notre nefs. Là, l'essentiel, c'est que Hadal Abdi, il revient et il ne fait plus de péché, ou ce péché. قال وأن يكثر من الاستغفار. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار والتوبة. Dans un hadith 70 fois, 70 مرة, dans un hadith 100 مرة, في اليوم, par jour. مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Et il était معصوم عليه الصلاة والسلام. فتأمل, il était معصوم. Et كذلك, Allah سبحانه وتعالى lui a tout pardonné. Tout. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucun péché. مع هذا, il faisait beaucoup à l'istighfar. Et كذلك التوبة. أستغفر الله وأتوب إليه. كثيرا. أحيانا dans le majlis, بعض الصحابة, il rapporte dans le majlis, il faisait à l'istighfar quand il avait un peu de temps. Et le majlis est dans une assise. فالذي يعلق قلبه بهذا, ça va avoir comme conséquence al-ikthar min al-istighfar. Là, on peut se poser la question, limad, on a des faiblesses, nahnu. Lian al-qalb, on oublie, on est fi ghafla. Lian, c'est quoi qui va te permettre de faire had al-istighfar? C'est que ton cœur y réagisse. Thumma, si ton cœur y réagit, ta langue, elle va prononcer l'istighfar. Ahyanan, mathalan, on marche. Ou on est assis. On parle pas, nahnu, quand on est une assise. Mathalan, on est occupé. Là, ahyanan, on est tout seul. Peut-être que tu marches 1 kilomètre, ou tu roules en voiture peut-être 50 kilomètres et tu ne fais rien. Fi hadha al-hal, si tu penses à hadha al-ism al-azim, thumma, ça va avoir comme conséquence que ta langue, elle va prononcer hadha al-dhikr. Limadha li'anna Allah c'est le ghaffar. Allah c'est le ghaffar. Et vu que anta, tu as des péchés, on a tous des péchés, et kadhalik, tu espères qu'Allah te pardonne, tu as un moyen très très simple, c'est de dire astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Khassatan, et tu connais هذا المعنى ان الاستغفار ça vient de c'est talab al ghufran et le ghufran c'est une mada en langue arabe qui est fondée sur ces deux maani at tajawuz wa satr. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne te châtie pas par rapport à ce que tu as fait et qui te pardonne, et كذلك qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ton péché reste caché. C'est une maani azima, et tu dis هذا, et tu penses à tes péchés. Et tu verras al-thamara. Lakin, on répète, hada, il faut un cœur qui n'est pas fi ghafla, un cœur qui n'est pas occupé par autre chose. Lian al-qalb, s'il est occupé par autre chose, il n'y a plus de place pour al-istighfar. C'est pour ça que ahyanan nahnu rubbama un jour, deux jours ou plus, et on fait pas beaucoup de dhikr. Si on arrive à s'accrocher à al-adhkar al-muqayyada bi waqt ou bi zaman ou bi makan, fa alhamdulillah, on est à la khayr. Lakin, encore plus, مثل هذه الأذكار qui sont مطلقة, الاستغفار, tu peux le dire quand tu veux. Tu peux le dire quand tu te réveilles, quand tu marches, il est à khayr, alhamdulillah. كلما الإنسان, il fait beaucoup d'istighfar, il est à khayr. Al-bid'a, c'est de limiter un istighfar dans un moment donné, avec un nombre précis, en croyant que c'est mashrou'. Ça, c'est le bid'a. مثلا, واحد, il décide tous les jours quand... avant de manger, je fais 10 fois l'istighfar, mathala. En pensant qu'il y a une récompense précise. Ça, c'est une bid'a. On lui dira, le prophète, il a jamais fait ça. Lakin, ne te limite pas. Ahyanan avant de manger, ahyanan après, ahyanan avant de dormir, ahyanan quand tu marches, quand tu conduis. Alhamdulillah. Wa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, comme fi al-hadith al-sahih, touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Ça, c'est un dalil qui montre أن يفوفر بكو الاستغفار. فلهذا قال شيخ العثيمين هنا وأن يكثر من الاستغفار. كلما تفي بكو يتسوغا غانيا. شك استغفار تسوغا ريكومبونسي. Bien sûr avec la condition الإخلاص. الإنسان il est sincère. فطوبة Toba est al-jannah. Par des ulama, ils disent c'est un arbre fil jannah. Par d'autres, ils disent fil jannah. À la kulli hal, c'est le jannah. Toba, liman wajada fi sahifati. As-sahifa, c'est tes registres sur lesquels tes œuvres elles sont inscrites. Léanna, quand tu fais l'istighfar, tu dis astaghfirullah, astaghfirullah. À voix basse, bien sûr, on n'a pas besoin d'élever la voix. Fal malak, l'ange, il inscrit tout. Fal celui qui, yawm al-qiyama, dans son registre, il y aura beaucoup d'istighfar. Quand il marche, quand il conduit, quand il... Wallillahi l'hamd, beaucoup. Et ça va très vite à l'istighfar. En une minute, Allahu a'lam, tu peux faire combien de fois? Des dizaines de fois. Léanna, c'est une kalima mukhtasara. Avec un bienfait énorme. Enfin, celui qui, yawm al-qiyama, dans son registre, il y aura beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah, astaghfirullah. Fahada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal touba leh, ay al-jannah. Donc, on essaye de faire des efforts fi hada. Qal hatta yatahakak lahu ma dal alayhi hada al-ism al-karim. C'est ça le but. Le but, c'est de faire hada al-dhikr pour ma dal yatahakak ma dal alayhi hada al-ism. Ça devient pas automatique. بعض الناس يفون يستغفر أو مثلاً الأذكار après الصلاة يبارلر ربما. Vous avez déjà vu? ما أدري comment il fait. Il fait l'istighfar, il prononce et il parle à واحد. Quand je dis il parle, il écoute واحد. Et ربما il arrête l'istighfar, il lui répond, il reprend. Ça montre que c'est du automatique هذا. Là, l'istighfar ça demande de la concentration, ça demande à me parler avec quelqu'un d'autre ou faire des choses qui ne te laisse pas te concentrer, hada, c'est pas, t'auras pas le fruit désiré. Enfin, c'est quoi l'an, ma yatahakak lahu ma dalla alayhi hada l'ism al-karim, c'est ce qu'on a cité. As-satr wa tajawuz. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous préserve, nos péchés, ils ne soient pas dévoilés et il nous les pardonne. Ça, c'est une ni'ma azima. Hada ma yatahakak bi hada l'ism al-azim. المرجع لكلام كما ينزل على السورس شرح النونية الإمام الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه الثوازيام فوليوم قال رحمه الله الغني المغني دون الغني والمغني أما الغني لا شك يعوكان دوت كسي أنو parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى والله هو الغني الحميد. شيخ سعدي رحمه الله il a cité le verset qu'on lira ensemble. اما المغني فالشيخ سعدي رحمه الله اثبته كذلك الذي جامع كلامه المؤلف قال ودليل هذا الاسم قال الله تعالى ووجدك عائلا فاغنى. هذا في الحقيقه سي غريب اي Tariqatu al-muhaqqiq, celui qui a rassemblé kalam al-Sheikh Sa'di, depuis le début du livre, on lit son kalam dans le hashia, dans les notes, et en général, la yuthbit al-ism à partir d'un fi'l. Fa'aghna. Ay Allah subhanahu wa ta'ala aghna. Hada, c'est un fi'l, c'est un wasf. Et normalement, la yuthbit dans ce cas-là. Yaqul annahu c'est un fi'l. Bel, il l'a cité comme son manhaj au début du livre, dans son introduction, annahu. Il a cité des règles et on ne peut pas prendre un ism à partir d'un fi'l ou d'un wasf. Là, il faut un délil. Al-asma tawqifiyya. Madri, pourquoi huna il a pas suivi la même méthodologie. Wal-amr sahl. Ala kulli hal, al-mughni, la shak que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mughni, ay min bab al-wasf wal-ikhbar. Amma annahu c'est un ism, falabud min délil. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le mughni. فلا نعلم دليلا على ثبوت هذا الاسم اما الوصف on répète ان الله سبحانه وتعالى يغني من يشاء يا اوكاندو اي الدليل قوله تعالى ووجدك عائلا فاغنى نعم فكي سي كي رون ريش لي بوفر سي الله سبحانه وتعالى اي كي سي كي رون ريش كذلك بالعلم والايمان لان لا ريش سي با كو لارجون سي الله سبحانه فعلى كل حال الغني اسم يا اوكان دوت المغني في ثبوته نظر اي الصحيح سي ك يفو ان دليل il est cité dans la liste le hadith que l'imam Tirmidhi il a rapporté لكن تقدم معنا ان هذا الحديث ce rajout de tous les noms à la fin c'est ضعيف donc on n'a pas de dalil, wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid, fahuwal ghaniyu bizatih. Al ghaniyu, ay, an Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatu al ghina. Al ghina, c'est la richesse. فالله سبحانه وتعالى سير غني أي لا besoin de personne. لماذا؟ لأنه سير غني possède tout. له ملك السماوات والأرض عز وجل. C'est العزيز, c'est le ملك, c'est القيوم, c'est الصمد. Et في الحقيقة on a vu بعض الأسماء qui montraient هذا المعنى العظيم أن الله سبحانه وتعالى سير غني لا besoin de personne. On a étudié ensemble اسم الصمد وكذلك اسم القيوم كذلك اسم الرزاق لأن سي الله سبحانه وتعالى سي الرزاق أي سي lui qui donne donc سي الغني وهكذا اسم الكريم الله سبحانه وتعالى كريم لكمال غناه عز وجل أي هكذا d'autres اسم أي كذلك القيوم القيوم من معانيه أن الله سبحانه وتعالى قائم على غيره قائمون على غيره أي celui qui donne, celui qui gère. Ça, ça montre كمال غنى عز وجل. Et كذلك من معاني القيوم أنه لا يحتاج إلى أحد. الله لا besoin de personne. لماذا لكمال غنى؟ لماذا؟ لأنه إلى الغنى المطلقة. Il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne عز وجل. فالحقيقة toutes ces معاني ça prouve أن الله عز وجل c'est الغني. Et on a lu beaucoup de كلام في هذا الباب. قال فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق ومن كمال غناه أنه الله سبحانه وتعالى إلى les attributs parfaits إلى pas de manquement, pas de défaut لا نقص ولا عيب عز وجل قال من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته قال فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه إليها أي إلى صفاته أي ses attributs ils n'ont aucun manquement aucune imperfection aucune faiblesse aucun défaut لماذا لأن الله عز وجل سير غني الغني في ذاته في أفعاله في صفاته عز وجل قال ولا يمكن أن يكون إلا غنيا لأن غناه من لوازم ذاته كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه tout ça on l'a vu ولله الحمد ensemble dans plusieurs noms qu'on vient de citer ensemble ولله الحمد القيوم والصمد والرزاق والكريم إلى آخر تأمل مثلا قوله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد تأمل ce verset مثلا الله سبحانه وتعالى il a cité اسم الغني لهو الغني الحميد et تأمل juste avant الله سبحانه وتعالى il a cité أن له ما في السماوات وما في الأرض فالغني c'est celui qui possède tout c'est pour ça que غنى c'est من لوازم ذاته contrairement à l'être humain même s'il a quelques richesses فالحقيقة الفقر ملازم له لأنه il possède rien في الحقيقة c'est Allah qui lui a donné c'est pour ça qu'Allah il peut lui retirer à tout moment et كذلك il est ضعيف il est أما الله سبحانه وتعالى فهي possède tout هذا معنى قوله لأن غناه من لوازم ذاته قوله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض أي possède tout et il donne à qui veut فmême celui qui a quelque chose c'est Allah qui lui a donné أما الله سبحانه وتعالى لا besoin de personne. Ça, ça montre أن العبد il est صفة الفقر للازمة له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Même les riches, c'est des فقراء. لماذا؟ لأن ce qu'ils ont, c'est Allah qui leur a donné. Et s'il veut Allah, il leur reprend. C'est pour ça que tu trouves beaucoup de riches, ça devient des pauvres très vite. Ils sont ruinés, إلى آخره. Et tu trouves certains pauvres, du jour au lendemain, ils deviennent riches. بإذن الله عز وجل أما الله سبحانه وتعالى فالغني الغنى صفة لازمة لذاته سبحانه قال فهو الغني الذي بيده خزائن السماوات والأرض. On a cité le verset et beaucoup de versets et de ahadith في هذا المعنى. قال وخزائن الدنيا والآخرة المغني جميع خلقه غنى عاما. المغني هنا من باب الإخبار. لعل الشيخ سعدي هو رحمة الله عليه يثبته اسما. C'est pas واضح. Il a pas cité clairement. لكن على قول المحقق إلى cité ces deux noms. على كل حال الصواب c'est que المغني هنا c'est من باب الإخبار. أي أن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui enrichit qui il veut. Et هذا لا شك que c'est juste. قال والمغني لخواص خلقه مما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. Ça, ça nous montre أن الغنى c'est de deux catégories. Al-ghina, la richesse. Une richesse que tout le monde reçoit. Certains peu, certains beaucoup, certains encore plus. Tout ce qui est argent, nourriture, maison, tous les biens de cette dunya. Wa huna ghina a'zam, c'est li khawas khalqihi, c'est pas pour tout le monde. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ce qu'Allah il a élevé min anbiya'ihi wa rusulihi wa man ittaba'ahum bi ihsan, ha'ula al khawas, ha'ula Allah subhanahu wa ta'ala il leur a réservé hadha al ghina à eux. C'est quoi cette richesse? Qala mimma afadha ala qulubihim min al ma'arif al rabbaniya, ay ulum al sharia, ulum al quran wa al sunna. Ça c'est la plus grande richesse. قال من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. كذلك التوحيد. العقيدة الصحيحة. La croyance authentique. La connaissance du Coran, de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre son dîn, connaître son dîn. C'est ça la véritable richesse. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الغنى غنى النفس. إنما الغنى غنى النفس. C'est ça la véritable richesse. لماذا؟ لأن celui qui a cette richesse في الحقيقة il sera فراحة وطمأنينة même s'il n'a pas beaucoup d'argent. Il patientera face aux épreuves. Il gardera le sourire بإذن الله عز وجل. Il sera ثابت jusqu'à qu'il mourra. لماذا؟ لأنه il a cette richesse dans son cœur. أما كم من الناس ils ont la richesse أي المال المادة لكن قلبهم خراب. Leur cœur c'est un champ de ruines. عياذا بالله. هؤلاء même s'ils ont beaucoup ils sont pas à la khair. Tu les trouves ils sont malheureux, ils sont anxieux, ils ont beaucoup de problèmes, ils réfléchissent beaucoup, ils sont pas sûrs d'eux, ils se contredisent كثيراً. Ils ont des énormes faiblesses, ils ont peur de l'avenir. هؤلاء في الحقيقة c'est ضعفاء. C'est من أضعف خلق الله. Ils sont très très faibles. فتستفيد من هذا et c'est le fruit de الإيمان بهذا الاسم وهذا الوصف العظيم أن الإنسان sa recherche c'est pas que المال de s'enrichir, enrichir ses poches فقط. لا l'essentiel et l'objectif et le principal c'est l'enrichissement du cœur. أما l'argent Allah subhanahu wa ta'ala il donne à ceux qui l'aiment et ceux qui détestent. عز وجل قال ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه ويعيدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم. هذا من كمال غناه أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وكذلك nous a promis qui nous répondrait. هذا من كمال غناه لأن le fait que عز وجل a promis de nous répondre c'est qu'il possède. Il possède tout. Ce que tu vas lui demander, il est capable de te le donner. Si tu demandes un enfant, si tu demandes de l'argent, si tu demandes la guider, si tu te demandes du ilm, de la science, si tu demandes quoi que tu demandes, Allah, il est capable de te donner. أما الاعتداء في الدعاء فلا يجوز. لأن قد يقول قائل, je vais demander une chose. Allah, il est capable de tout. Mais une certaine chose, il nous a interdit de demander. لأن الله سبحانه وتعالى c'est le hakim. مثلا واحد il demande après avoir lu ce kalam et il dit je vais demander vu qu'Allah سبحانه وتعالى d'être un prophète. هذا حرام. هذا من الاعتداء، من الاعتداء في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم حرمه، يا الله سبحانه وتعالى حرمه. Rappelle-toi cela. لماذا؟ لأن الله عز وجل حكم que le dernier des prophètes, c'est notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Il y a une hikma azima pour que tout le monde le suive. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Il est capable de tout. Lakin il a décrété, il a jugé que le dernier prophète, c'est notre prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, et il est mort. Il y a des siècles. Donc là, il est juste de demander cela. Lakin demander des choses qui te profitent. Et la meilleure chose que tu peux demander, c'est hidayat hadha al-qalb. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demandait beaucoup ce dua. Demande la richesse du cœur. Si tu es riche du cœur, tout ira. Mais l'argent, ça peut être une fitna. L'argent, ça peut être très mauvais pour l'abd. فلهذا الإنسان يدمند من فضل الله عز وجل. قال ومن كمال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. Et ça, c'est من كمال غناء. أن الله عز وجل يدن عبد ce que العبد lui a demandé et il lui donne كذلك des choses qu'il lui a pas demandé. أحيانا tu as une ni'ma, que ce soit par rapport à ton din ou par rapport à la dunya, et tu n'avais même pas demandé. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et ça montre annahu c'est le ghani. Amma celui qui n'a pas, il peut pas te donner. Qu'est-ce qu'il va te donner? Et tastafid min hadha anna demande à Allah azza wa jalla. Allah c'est lui qui est capable de te donner. Amma tendre la main au 'abd, ma annahu c'est une humiliation, c'est un rabaissement. Kadhalik ce 'abd, il est dhaif. Il est dhaif. Ne pense pas que celui qui donne là demande à Allah azza wa jalla, c'est lui qui donne à tout le monde. Qala ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم تقدم معنا في شرح الأربعين. Ça c'est min kamal ghina Allah subhanahu wa ta'ala. Si tous les êtres humains, bel avec le djinn, ils se rassembleraient dans un endroit et ils demanderaient tous leur hajj. Hada ils demandent de l'argent, hada ils demandent la guidée, hada ils demandent un enfant, hada ils demandent... Allah subhanahu wa ta'ala les entendrait tous, c'est sami'. Et que dhalik min kamal ghina, il est capable de tous se redonner. Chacun sa mas'ala. Bel Allah azza wa jalla est capable de donner encore plus. Tout ce qu'ils ont demandé et ils leur rajoutent. Ça montre annahu c'est le ghani subhanahu. Et ça nous montre anna min thamarat hadha al-ism c'est ad-du'a. Demande. Allah c'est le ghani. Fi dunya law insan ya'lam anna dans tel endroit ou telle personne rubbama il donne de l'argent ou il y a une distribution. Tu trouverais ghalib an-nas, akthar an-nas, ils se rendraient dans cet endroit ou ils iraient chez cet homme qui donne. Ça arrive ahyana, il y a une promotion et tu trouves hujum ka'annahu madri qu'est-ce que ils vont gagner. Ahyana, c'est des choses tafiha, une petite promotion comme ils appellent des affaires, et tant que c'est mubah, c'est permis, il y a pas de problème. Lakin on est tous des croyants, walillahil hamd. Et on sait tous que Allah c'est le ghani. Et on a un va'af dans la demande. Tu sais qu'Allah c'est le ghani, il est capable de tout donner. Bel, il t'a promis qu'il te donnera si tu lui demandes. Tu n'as plus qu'à demander. Sois sincère et demande. Et là, on a tous des besoins. On a tous des besoins, que ce soit dans notre din ou notre dunya. Est-ce qu'on demande tous nos besoins? C'est ça la question. Si tu ne demandes pas, demande, Akhil Karim. خاصةً à certains moments où que الدعاء il est مستجاب أكثر. Demande même pour الدنيا, même les petites choses. Tu as besoin d'une chose de l'opama, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Salaf il demandait حتى des choses pour nous, c'est pas grand chose, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لأنه c'est الغني. قال ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم أي في الآخرة. أي في الجنة أي toutes les récompenses qu'Allah سبحانه وتعالى يدنغا c'est من كمال الغناء قال واللذات المتتابعات éternellement si tu viens à compter tout ce que les êtres humains ils ont mangé في الدنيا depuis l'époque de Adam عليه الصلاة والسلام jusqu'à aujourd'hui et on va encore plus loin jusqu'à la fin des temps Allah علم combien ils ont mangé c'est incalculable il n'y a qu'Allah سبحانه وتعالى qui sait من لحوم وألبان وفواكه إلى آخره، les fruits, les viandes, les boissons, le lait, le miel, combien؟ tout ça c'est من الله. يوم القيامة أو في الجنة plutôt، ça sera éternellement. Et si tu viens réfléchir combien les الجنة ils vont manger، déjà ça sera الله علم combien de personnes ils rentreront في الجنة، et chacun il aura ce qu'il veut. Comme ils vont manger, comme. Que ce soit les viandes, que ce soit les fruits, que ce soit le miel, le lait, combien? Tout ça, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que c'est le ghani. Mais l'être humain, même s'il a, et c'est ça l'énorme différence, l'être humain, même s'il a, tu prends l'homme le plus riche, l'homme le plus riche, il a des milliards, Obama, sa fortune personnelle, des milliards. S'il vient donner du matin au soir, ça s'arrêtera. Une semaine, un mois, un an, 10 ans, c'est fini. أما الله سبحانه وتعالى السيل الغني فضله لواسع قال والخيرات المتواصلات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الحديث حديث قدسي أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ومن كمال غناه ومن كمال الغنى أنه لم يتخذ صاحبا ولا ولدا ولا شريكا في الملك ولا وليا من الذل وهو الغني الذي كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته هذا سيكون معنى عظيم أن من كمال الغنى أن الله سبحانه وتعالى il a besoin de personne il a pas d'enfant il a pas de compagne il a pas d'associé il a besoin de personne pour l'aider c'est الأحد c'est الصمد عز وجل لم يلد ولم يولد هذا سامعنا عظيم هذا ستوانو بوسي et c'est un autre fruit à adorer Allah عز وجل seul c'est le غني et كذلك ستوان بوسي العبد vu que العبد il est فقير أنتم الفقراء الفقراء c'est le pluriel de فقير الفقير c'est le pauvre هذا ستوان بوسي à nous rabaisser à nous soumettre à Allah سبحانه وتعالى الغني فوانا cité من الثمرات إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية التوحيد أدعي الله سبحانه وتعالى السل كذلك الاستغناء بالله عز وجل أي placer notre confiance en Allah سبحانه وتعالى et espérer que d'Allah سبحانه وتعالى et si on a besoin on demande à Allah عز وجل et d'autres معاني ولعلها هذه تكفي أو on peut rajouter كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه إلى كلام نفيس par rapport à ce nom al-ghani rahmatullah alayh qala idha urifa hadha fal-faqru faqran ay anna al-'abd c'est un faqir même s'il est en bonne santé même s'il a de l'argent c'est un faqir ay c'est un pauvre il possède rien fil haqiqa tout ce qu'il a c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné pour une certaine période même notre corps c'est un mulk lillah Même notre corps, la preuve c'est que quand tu meurs, khalas, ce corps il disparaîtra au fur et à mesure, et tu seras ressuscité. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut. فهذا الفقر, cette pauvreté, elle est de deux catégories. إذا عرف هذا فالفقر فقران. فقر اضطراري وهو فقر عام. لا خروج لبر ولا فاجر عنه. وهذا لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا. بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا tout le monde est qualifié par هذا الفقر أي la pauvreté est en tant que créature on a des faiblesses et vu qu'on est une créature on est des créatures Allah سبحانه وتعالى c'est lui le créateur c'est lui qui possède tout et نحن on fait partie de ces créatures donc من هذه الجهة on est tous des فقراء on est tous des pauvres tous les êtres humains قال والفقر الثاني فقر اختياري هو نتيجة علمين شريفين. Le deuxième فقر هذا في الحقيقة c'est pas tout le monde. هذا c'est le fruit de deux points importants. قال أحدهما معرفة العبد بربه. Le premier point, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième, ma'rifatuhu binafsih. Ay, c'est la soumission. Al-abd, c'est un faqir ilallah subhanahu wa ta'ala. Et il est fier de hada. Ay, il sait que c'est qu'une créature avec beaucoup de faiblesses. Lakin, vu que il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, l'importance de l'étude des noms d'Allah azza wa jalla. Il connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'Allah c'est le Qawi, c'est le Aziz, c'est le Ghani, c'est le Jabbar, c'est le Qayyum. Et kadhalik, il connaît son nefs. Il sait d'où il vient. Il sait comment il va finir. On sait tous d'où on vient. On sait tous. On était dans le ventre de nos mères, tous. Et on sait tous comment on va finir. On finira tous sous terre. Enfin, celui qui connaît ces deux choses, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaît son nefs, قال فمتى حصلت له هاتان المعرفتان انتجت له فقرا هو عين غناء. Et on peut se demander, est-ce que la pauvreté c'est quelque chose de bien? Cette pauvreté في الحقيقة c'est la richesse. فتأملوا هذا الكلام القوي. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, il a expliqué la pauvreté, ثم cette pauvreté في الحقيقة c'est la richesse. Celui qui a cette pauvreté في الحقيقة c'est عين الغنى. Et c'est la richesse du cœur. قال فمتى حصلت له هاتان المعرفتان انتجت اي la connaissance de ces deux points, le fait de connaître Allah et connaître son nefs, se connaître soi-même, ça va donner quoi? قال انتجت له فقرا هو عين غنى وعنوان فلاحه وسعادته. Ça va lui donner la véritable richesse dans son cœur. Un cœur rempli de iman, rempli de tawhid, rempli de ilm. Il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, ses attributs. Il connaîtra les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits des messagers, les droits de ses parents, les droits des gouverneurs, les droits de ses voisins, son droit à lui-même. Et c'est ça le deuxième point, c'est le fait de se connaître. Il connaîtra ses droits, il connaîtra ses obligations. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعُنْوَانُ فَلَاحِهِ وَسَعَادَتِهِ. C'est ça la base du bonheur. Et la base de la réussite, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala et se connaître soi-même. قَالَ وَتَفَوُتُ النَّاسِ فِي هَذَا الْفَقْرِ بِحَسَبْ تَفَوُتِهِمْ فِي هَاتَيْنِ الْمَعْرِفَتَيْنِ. Les gens, ils ne sont pas tous au même degré. Ils ne sont pas tous au même degré. Par rapport à la connaissance de ces deux points, ben les gens, ils sont différents. Plus l'insan, il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, il se connaît lui-même, plus, bi'idhnillah azza wa jal, il sera riche dans son cœur. La richesse, c'est la foi. Et il aura un iman qawi. Moins il aura de connaissances, il connaîtra Allah subhanahu wa ta'ala, il ne connaîtra pas ou pas beaucoup, et son nefs kadhalik, plus il sera loin. Il sera loin de la vérité, sa foi elle sera faible. قال فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. Celui qui connaît le sens du nom al-ghani, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-ghani, lahu al-ghina, ou il est muttasif bil-ghina al-mutlaq. Et la richesse parfaite, il possède tout, azza wa jal. عرف نفسه بالفقر المطلق. Il saura que lui c'est l'inverse. Vu qu'Allah c'est al-ghani, il saura que lui c'est le faqir. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Avec cette explication, tu comprends mieux le verset. ومن عرف ربه بالقدرة التام عرف نفسه بالعجز التام. Celui qui sait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-qadir, il est ala kulli shay'in qadir, il saura que lui, في الحقيقة, il est faible. عجز كبير في الإنسان. Même le peu de choses que tu fais, c'est bi'idnillah azza wa jal. Vous avez vu le lien entre les deux points? Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, fa al-haqiqa, tu vas te connaître toi-même. Si tu ignores c'est qui Allah, tu connais pas ses noms, ses attributs, tu vas t'ignorer toi-même. Tu vas t'élever à une place qui n'est pas la tienne. Et ta'ammal fi hal al-kuffar. Il va citer leur exemple. Al-imam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Il a cité plutôt leur exemple. Qala فالله سبحانه أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous sortis du ventre de nos mères et on ne connaissait rien. Ça montre le ضعف. Qui c'est qui t'a facilité? Qui c'est qui t'a facilité cette mère qui a pris soin de toi, qui t'a allaité, qui t'a donné à manger, qui t'a éduqué, ثم t'a grandi, qui t'a préservé ta santé, ton cœur, ta raison? Et petit à petit tu as grandi, hatta tu as commencé à apprendre. Et pour moi tu as atteint le niveau qu'Allah taqaddar. C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Un petit virus, une petite maladie, une chose, probablement tu serais mort ou tu serais malade, tu n'aurais pas pu ربما apprendre à parler. قال ولا يقدر على الشيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البت فكان فقره في ذلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد. Ça montre que l'abd est fakir. La preuve, c'est que quand tu n'as rien, tu n'as pas d'ilm, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité ce père ou cette mère qui s'occupe de toi, hatta tu grandis et tu fais les courses pour avoir certaines choses. Ça montre al-faqr. Qala, la preuve, si on donne un exemple, cet enfant qui naît, cet être humain, tu le poses dans un endroit sans père, sans mère, tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? C'est un zaïf, il va pleurer une heure, deux heures et il va mourir très très rapidement. Qala, rahimahullah, ukhtasa al-kalam, il est assez long, wa dhahaba al-waqt. فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا. Quand, après tout cela, ta'ammalu, le sens et l'ordre du kalam. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il veut arriver à une chose très très importante. بعد ذلك, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la santé, cet être humain, il sait parler, il sait se déplacer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a cité beaucoup d'exemples. أن الله سبحانه وتعالى parmi les exemples مكنه على سائر البهائم والوحوش. Ça c'est من نعمة الله عز وجل. Cet être humain, il est beaucoup plus faible, beaucoup plus petit que beaucoup d'autres créatures, et tu le trouves, c'est lui qui s'occupe des chameaux, des vaches, des poissons, des énormes poissons. Il arrive à les pêcher très facilement, il profite de tout cela. Tu peux trouver un enfant, il guide un chameau et le chameau, il le suit. Pourtant, le chameau, la force, elle est incomparable avec cet enfant. Tout ça, c'est min fadlillahi azza wa jal. Ça, c'est min al-ghani. C'est Allah qui a qaddar hada. Lakin, isma' al-kalam, qala, wa min ha-huna khudila man khudil, wa wuffiqa man wuffiq, fa hujiba al-makhdhul an haqiqatihi wa nasiya nafsah. Tu as deux catégories de personnes après cela. Ba'dannas, ils ont reconnu hada. Ils ont dit, c'est Allah, Al-Ghani, Al-Hakim, Al-Razzaq qui nous a donné. Et ils ont été reconnaissants et ils ont utilisé tous ces bienfaits fi ta'atillah, en obéissant à Allah Azza wa Jal. Tu as un autre groupe. Ils ont pensé que ça venait d'eux. Et ils ont pensé qu'ils ont atteint un niveau, ils ont inventé des avions, des armes, de la nouvelle technologie et la akhira. Ils ont pensé que khalas. Ils disent plus Allah, ils disent c'est la nature. Et ils n'ont plus aucune reconnaissance. Ben, ils pensent qu'ils seront plus ressuscités. Ils ont oublié, iyadam billah. Qala rahimahullah, wa nasiya nafsa, hatta ils se sont oubliés eux-mêmes. Au lieu de réfléchir d'où, là où l'insan est réfléchi, d'où je viens et comment je suis arrivé là, ça lui facilite jiddan. Lakin ad-dunya, iyadam billah, l'insan il oublie. Qala fa nasiya faqrahu wa hajatahu wa dharuratahu ila rabbihi fataga wa baga wa ata fa haqqat alayhi shiqwa. Cet être humain arrivé à un moment, il oublie son faqr. Il pense qu'il est riche. T'amène le kuffar. Hanjama wa kibr wa ghatrasa wa zulm. Ils se sentent forts, ils se sentent au-dessus des autres. Ils ont beaucoup d'injustice envers les croyants et autres. Hatta envers les animaux. Limada li annahum, ils se sentent intouchables. Qala wa hajatahu wa daruratahu ila rabbi. Tu as déjà entendu un kafir anta qui parle de tawakkul, de cet islam, de khudu' et de se rabaisser? Abadan. بلهم يسمك de tout cela. قال رحمه الله فطغى وبغى وعتى. Donc le fruit de cette croyance, عياذا بالله, de ce kafir, انه il pense que c'est lui qui fait et cette richesse c'est lui. طغى وبغى وعتى. Injustice sur injustice. Injustice sur injustice. لا يرحمون كبيرا ولا صغيرا. Et même quand ils font croire انهم ils donnent les droits, انهم ils sont cléments, ils sont justes. Tout ça c'est pour s'enrichir encore plus. Et même si on qadr anna wahid, il est véridique dans ce qu'il fait, tant qu'il ne croit pas, ça lui sert à rien. Ça revient tout à l'iman. Qala rahimahullah, qala Allah ta'ala, kalla inna l'insana la yatra an ra'ahu stagna. Est-ce que cet homme, ce kafir, si on prend l'exemple d'un kafir, qui fait beaucoup d'injustice, en général, c'est après avoir acquis des choses. Est-ce que quand il était enfant, il faisait de l'injustice? Abadan. Quand il était enfant, il était à l'al-fitra. Un miskin, il possédait rien, il restait. Il restait dans son coin, il faisait de mal à personne, sauf ce qu'ils font les enfants. Lakin, c'est quoi qui l'a poussé à être injuste? Qala azza wa jalla, kalla innal insana la yatra an ra'ahu stagna. Stagna, c'est il pense qu'il a acquis des richesses. Alors que c'est Allah al-Ghani. C'est pour ça que le mu'min, plus son iman il est qawi, plus il s'écarte de At-Touyan. At-Touyan, c'est l'injustice, ça ressemble au dhulm. قال وقال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تأمل قوله واستغنى. Dans les deux versets يستغنى. Celui qui pense أنه il a plus besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, أنه خلاص qu'il a ça va lui suffire, هذا عياذا بالله il perdra tout. فلهذا قال عز وجل فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. Son cas, il ne fait que s'empirer. Fid dunya, amma, après la mort, فَعِيَدًا بِاللَّهِ, c'est الْخَسَارَ الْعُظْمَى. قَالَ فَأَكْمَلَ الْخَلْقَ أَكْمَلُهُمْ عُبُودِيَةً وَأَعْظَمُهُمْ شُهُودًا لِفَقْرِهِ وَضَرُورَتِهِ وَحَاجَتِهِ إِلَى رَبِّهِ وَعَدَمِ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Tu déduis de tout cela que أَكْمَلَ الْخَلْقَ est les meilleures personnes. إيمانا ومحبة لله عز وجل c'est les prophètes et les messagers et ceux qui les ont suivis. أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقر. C'est ceux qui connaissent le plus Allah et c'est ceux qui se connaissent le mieux. Ceux qui connaissent le mieux et أنهم c'est des فقراء, أنهم ils ne possèdent rien. C'est pour ça qu'ils ne sont pas injustes, c'est pour ça qu'ils veulent le bien aux autres, c'est pour ça que l'ostentation, ils ne sont pas touchés par cela. Les أنهم ils savent que c'est des فقراء. Même le bien qu'ils font c'est بإذن الله. Ils n'ont pas besoin de se montrer, de se vanter, de s'enorgueillir. Iyadam billah. قال ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا سان دعاء عظيم. الشاهد منه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Ça montre, et le fait qu'on a toujours besoin d'Allah سبحانه وتعالى. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم faisait ce دعاء لا تكلني. Et ne me laisse pas seul. Tarfata'in, ou alors le temps d'un clin d'œil. Limadha li anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est imam al-muttaqin, imam al-mutawakkilin. C'est afdhal al-bashar alayhi sallatu wassalam, et il disait ce dua. Thumma qala, wa kana yad'u bi qawlihi ya muqalliba al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Limadha, ça montre le khawf. Ça montre anna al-insan qui connaît Allah, qui se connaît lui-même, il aura peur. C'est pour ça qu'il demandera à Allah subhanahu wa ta'ala d'aïman la guider. Même s'il est guidé, ta'ammal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est afdal al-bashar. C'est l'imam de tous les croyants alayhi salatu wa sallam. Et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qui guide son cœur. Limadha li annahu il connaissait Allah subhanahu wa ta'ala. Anta, si tu connais tes faiblesses, si tu connais Allah azza wa jal, il n'y a plus de place pour l'ostentation, pour l'orgueil, pour l'injustice. Falihada, plus l'insan, il fait des efforts, yad al-bab, plus il s'écartera de ses péchés. ثم قال رحمه الله يعلم أن قلبه بيد الرحمن لا يملك منه شيئا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم il savait que son cœur c'est Allah qui l'a guidé. Et نحن كذلك, on doit avoir cette conviction, أن notre cœur c'est Allah qui nous a guidé. أما نحن, on peut pas se guider, on possède rien. فلهذا on doit demander à Allah عز وجل أن يثبتنا. قال كيف وهو يتلو قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا. لولا الله عز وجل, فربما الإنسان peut s'égarer à tout moment. فقال فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به. فاقته c'est الحاجة, الفاقة c'est الحاجة, أي le besoin جعب, le besoin qu'il a d'Allah سبحانه وتعالى, c'est tout le temps. Enfin, plus l'insan il ressent ce besoin, plus son iman il est qawm. Comment ressentir ce besoin? C'est ça la question là. Pourquoi on est touché par l'insouciance? Les cœurs ils sont durs. Il faut revenir à ma'rifatullah. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, petit à petit tu t'écarteras de cette insouciance. Et en étudiant ce genre de livre, l'explication des noms d'Allah azza wa jal, tu ressens lillahi alhamd. Bien sûr, des fawa'id, et tu ressens que ذلك ان الايمان يقوى. لماذا؟ لان plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu te connaîtras. Plus tu te connaîtras, بإذن الله عز وجل, tu feras des efforts pour adorer Allah عز وجل. هذا كلام نفيس de l'imam Ibn Qayyim رحمه الله تعالى. On peut citer la référence, نعم, طريق الهجرتين. نكتفي بهذا. Et on passe, بإذن الله, à notre prochain cours, والحمد لله.